Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 3 et par conséquent, c'est le moment de commencer à réviser. Now, in this podcast, I am going to have two very separate goals. Goal number one is to actually get you ready for the oral questions on the test. And the oral questions on the test will be directly taken from this podcast. Part two, or goal number two, if you will, is to get you ready for the composition that will follow the test that's at the very end of the test. And for that, we are going to use a slightly different format. I am going to ask you questions, and you are going to respond. I'm going to give my own responses after leaving a little blank, so that you can put your own information in there and actually be ready to write. Now remember, this chapter is about home and family, and we know a great deal about now ourselves, description, age, needs, desire, family, home. The other thing that you're going to notice is at the same time, we are going to review qui, que, quel, questions, and as well as inversion questions when I ask the questions. So pay close attention, and we are going to start. Are you ready? Allons-y. Quel est ton nom? Mon nom est Evelyne. Quel est ton nom? Mon nom et Bergman. Quel est ton prénom? Mon prénom est Evelyne. Quel âge as-tu? J'ai 40 ans. De quelle couleur sont tes cheveux? Mes cheveux sont blonds. De quelle couleur sont tes yeux? Mes yeux sont bleus. À la maison, qu'est-ce que tu as? À la maison, j'ai un iPod. Qu'est-ce que tu n'as pas? Je n'ai pas de baladeur. Où habites-tu? J'habite à Los Angeles. Tu habites dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Combien d'étages est-ce qu'il y a dans ta maison? Il y a 2 étages dans ma maison. Combien de pièces y a-t-il? Il y a 8 pièces. Combien de chambres y a-t-il? Il y a 3 chambres. Combien de salles de bain y a-t-il? Il y a 2 salles de bain. Qu'est-ce qu'il y a dans ta salle de séjour? Dans ma salle de séjour, il y a un sofa bleu, il y a une table basse, un tapis rouge, 2 fauteuils verts et 2 lampes. Combien de personnes est-ce qu'il y a dans ta famille? Il y a 4 personnes dans ma famille. Comment s'appellent-ils et qui sont-ils? Il y a mon mari qui s'appelle Paul. Il y a mes 2 fils qui s'appellent Benjamin et Roger. Quel âge a ton mari? Mon mari a 50 ans. Quel âge ont tes fils? Benjamin a 14 ans. Roger à 11 ans. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? What do you feel like doing today? J'ai envie de regarder un bon film et aussi j'ai envie de dormir. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? J'ai besoin de travailler et d'étudier beaucoup pour l'examen. I need to study a lot and work a lot for the exam. And that's a wrap for today. À lundi!